Vous voici conviés au cours du Collège de France. Quel est le rapport de l'homme avec la nature? Alors que la COP22 réunit décideurs et acteurs du développement durable et que la biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte, nous vous proposons de retrouver cette semaine le biologiste Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, pour sa série intitulée « La biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité ». Cette série a été diffusée dans le cadre de l'Éloge du savoir de Christine Goémé en 2014. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Les cours que donne ici le professeur Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société, sont de toute première importance. Ils concernent les conditions du maintien de la vie sur Terre, actuellement très menacée par l'action prédatrice de l'homme. Vous pouvez télécharger ces cours soit sur le site de France Culture, rubrique Éloge du savoir, soit sur celui du Collège de France. Dans la leçon que nous avons suivie hier, Gilles Boeuf faisait l'inventaire des dangers qui menacent la planète via l'action de l'homo qui se prétend sapiens. Les sept plaies de l'humanité, disait-il, sont le changement climatique, le productivisme agricole, la pénurie d'eau potable, les pêches qui détruisent l'océan, la déforestation, l'effondrement de la biodiversité et la prolifération des produits toxiques. L'histoire montre, remarquait Gilles Boeuf, que l'homme n'est capable de réagir que lorsqu'il est au pied du mur et toujours après un trop grand nombre de morts. Peut-être pourrions-nous essayer d'éviter d'en arriver là. De colloques prometteurs en conférences internationales, de résolutions mondiales à des débats, l'humanité ne cesse de proposer des actions pour la sauvegarde de l'environnement qui ne sont jamais tenues. Et qui finissent, désormais, par le constat qu'il n'y a plus d'argent pour faire quoi que ce soit. Or, en France, par exemple, il suffirait simplement d'appliquer le code de l'environnement et de simplifier une administration emberlificotée et souvent incohérente. Certes, on crée partout des réserves, mais cela suffira-t-il ? Il est urgent de protéger les milieux qui protègent les espèces et de ne plus traiter les biens communs comme s'ils étaient des biens privés. Ce soir, et pour son dernier cours, Gilles Boeuf nous propose des solutions. Écoutez. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Parce qu'en fait, je relisais encore cette nuit des papiers là, à 3h du matin, comme je fais tout le temps, là, et je me disais quand même que plus je les lis, plus quand même c'est inquiétant, effectivement. On est tous conscients du fait qu'il faut qu'on change, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais comment change-t-on ? Que fait-on pour changer ? C'est extrêmement important. Donc j'ai intitulé ma leçon aujourd'hui « Quelles mesures pour cette diversité dont on parle ?» Alors, d'abord, première chose importante, on va être assez sciences sociales aujourd'hui, on a fait beaucoup de biologie jusqu'à présent, vous allez voir que la résolution des problèmes que l'on se pose sont vraiment à la charnière et à la transversalité totale, effectivement. C'est quelque chose qui va d'un continuum de la biologie moléculaire la plus fondamentale, incluant les mécanismes, on a vu, de l'évolution, de l'adaptation, jusqu'aux actions très sociales, où on montre que chaque changement global a un coût social. Faut pas qu'on l'oublie, 7 milliards d'humains, demain 9, comment on va faire simplement pour continuer à vivre en harmonie sur cette planète qu'on ne peut pas quitter pour l'instant, on l'avait remarqué déjà ensemble. Donc, abandonner l'idée d'un sauvetage de la nature, d'une conservation, sans les humains. Ça n'a pas de sens. L'humain, il est dedans. Je crois que mes huit séances, la huitième ici, j'ai passé mon temps à vous démontrer qu'on n'est pas à part. On est une espèce profondément animale, notre physiologie, on n'est pas que ça, bien entendu, hein, puisqu'on discute ensemble ici, on parle de nature et de culture, mais nous sommes profondément physiologiquement animaux. J'étais au Sénat là, pour la conférence sur le droit de l'animal. Mon seul débat, c'est pas de faire manger que des végétaux à tout le monde, c'est de faire réfléchir que l'animal doit forcément avoir un statut, puisque nous sommes profondément frères tous les uns avec les autres. Donc l'homme n'est pas à l'extérieur de cette nature, et lorsqu'on a fait le premier parc américain en Yellowstone aux États-Unis, on a enlevé les Indiens. On va pas laisser des humains dans un parc national, on va les mettre ailleurs pour leur piquer leur territoire et y faire une réserve qui est une des plus belles de la planète. Le Yellowstone, c'est gigantesque, avec The Old Faithful, ce geyser en permanence. C'est pas ça, la question n'est pas là. L'Inde, vous avez effectivement aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Demain, ça va être le pays le plus peuplé du monde. Il va dépasser la Chine dans assez peu de temps. Comment fait-on pour sauvegarder une diversité extraordinaire en Inde, avec des mentalités très différentes, des populations très différentes? Deuxième question, l'empreinte écologique avait été sortie par des environnementalistes, des mouvements de la conservation il y a quelques années. On avait dit, on va simplement mesurer, c'est un schéma bien sûr, on va regarder combien coûte chaque humain sur la Terre en termes d'empreinte écologique. Et pour ça, pour avoir un joli schéma, on avait dit, voilà, on prend une surface agricole qui sert à vous produire les aliments dont vous avez besoin, et également la même surface, enfin une surface incluse dans celle-ci, sur laquelle on va tabler pour épurer nos déchets. Et en gros, on arrivait à un chiffre, pour un Français environ de 5 hectares, un Américain 7. Et là, on fait le calcul immédiat, 5 hectares multipliés par 7 milliards, il faut 3 planètes Terre, 3 Terres. Donc, on avait conclu, nous vivons au-dessus de nos moyens aujourd'hui, et alors, très schématiquement, dans le même débat, c'était le début des années 2000, ça, on avait regardé les pays qui étaient à 8 hectares, ça correspond à ce qu'il faudrait, à 8 hectares par habitant de la planète, on peut, tout est réémergé, vivre avec cette surface agricole nous permettant de produire les produits qu'on va consommer et d'épurer nos déchets. Et on voit que des pays comme l'Inde, par exemple, sont à des niveaux à peu près à ce niveau-là, mais c'est très très disparate selon le territoire indien, bien entendu. Si vous prenez les gens de la Silicon Valley indienne à Hyderabad aujourd'hui ou ailleurs, comparé à des petits paysans qui travaillent avec une chèvre famélique, une vache sacrée qu'on mange pas en plus, et puis quelques animaux, quelques poulets, c'est très différent. Donc simplement réfléchir à ceci aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ceci parce qu'on va épuiser les ressources. Alors également, je vous avais dit aussi que cette écologie et cette économie, si je prends aujourd'hui des données économiques, 40% de toutes les ressources produites par l'humanité sont d'origine biologique. Je vous avais dit, on ne mange que du biologique, faut quand même pas qu'on l'oublie, et on ne coopère qu'avec du biologique. On avait parlé il y a deux séances de l'intestin humain et du rôle important de maintenir des bactéries de façon harmonieuse dans cet intestin, pour ne pas avoir de problème de pathologie. Et ça, c'est très important, bien sûr, il faut qu'on y réfléchisse. Alors, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est économie et écologie, sont-elles réconciliables? On ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, il y a une écologie, et puis il y a une économie à part. Constanza, quand il est passé à Paris, c'est un économiste américain du UCLA, il avait dit, en fait, dans un monde fini comme le nôtre, arrêtons de croire à une croissance infinie, bien entendu. Et il avait dit, de toute façon, pour croire ceci, il faut être soit effectivement un fou, soit un économiste conventionnel. Alors on va voir comment aujourd'hui on doit devenir économiste non conventionnel. Partager. Ça, c'est le mot magique, vous savez, je vous avais dit, j'ai mes quatre mots maîtres que j'utilise tout le temps. C'est humilité, on clora là-dessus tout à l'heure. C'est partage, c'est un certain retour de l'harmonie. Et puis, bien sûr, aussi, c'est tout ce qui correspond au respect vis-à-vis des autres. Dans les autres, je mets aussi les non-humains, pas que les humains, bien entendu. Et puis, bien sûr, le gros problème essentiel aujourd'hui qu'on constate, c'est comment continuer à vivre dans un monde, surtout pas justement, où 20% des humains consomment, gèrent 80% des ressources. C'est pas du tout soutenable, bien sûr. Ça, c'est clair. Alors, pour ça, on a fait des tas de choses. Dans la revue Nature, en 2006, il y a 20 très grands scientifiques mondiaux, de toutes obédiences, qui lancent un vibrant cri d'alarme en disant « Crions tous la même chose, mettons-nous d'accord sur une plateforme commune de constatation de ce qu'est la planète aujourd'hui et proposons quelque chose. » La France fait, bien sûr, le président Chirac à l'époque, le 3 février 2007, fait l'appel de Paris. On va décider donc avec l'ONU de créer effectivement une organisation mondiale pour l'environnement qui sera tout à fait mise à mal, on l'avait vu à Rio en 2012. On crée le Grenelle de l'environnement avec un vrai mouvement social très riche. Moi, le Grenelle, je l'ai vécu de façon très œcuménique. J'ai vu des gens qui s'étaient jamais parlé. Il y avait la fille du MEDEF à côté du type de la CGT, à côté du pêcheur, à côté de l'agriculteur, à côté du scientifique. Il y a vraiment eu un moment... Ça a pris. Mais qu'est-ce qu'on en a sorti, Tous les décrets d'application ne sont pas sortis. Quand vous regardez en traitement phytosanitaire, ce qu'on avait dit, on est très très loin d'avoir suivi ce qu'on avait décidé ensemble au Grenelle. On fait un Grenelle de la mer parce qu'on avait oublié la mer en juin 2009. Et puis surtout, on arrive à créer quelque chose qui s'appelle IPBES. Donc c'est la plateforme internationale d'études pour la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, qui est parti du vieux IMOCEB que le président Chirac avait lancé entre 2005 et 2007, et qui est repris donc définitivement en mai 2012. On crée IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC climat pour la biodiversité. C'est parti. La dernière réunion a eu lieu à Antalya, en Turquie, en décembre dernier. Et là, on essaye de faire réfléchir. Il y a 114 pays, 115 maintenant, j'ai vu ce matin, 115, qui ont adhéré à IPBES. Et on se met d'accord tous pour essayer d'avoir une plateforme générale avec de la science pour cadrer la question des environnements et des écosystèmes. Ce qui me gêne un petit peu par rapport au niveau du GIEC, c'est que le GIEC est parti que à partir de scientifiques. Parce que la connaissance du climat, elle n'est pas... Bon, bien sûr, tous, on a une perception du climat qui change, mais c'est difficile au niveau de mémoire humaine. Les mémoires, elles sont quand même très sujettes à caution. Alors que pour la biodiversité, c'est très différent. La connaissance de la biodiversité, elle n'est pas du tout que aux mains des scientifiques. Elle est partout. Elle est aux mains de l'agriculteur, elle est aux mains du pêcheur, elle est aux mains des populations... ancestrales qui sont sur leur territoire depuis très longtemps. Vous avez des chamans qui font des choses extraordinaires. Je voyais récemment un chaman Kogi qui, en discutant avec un grand astronome, connaissait des planètes, enfin dans les systèmes que nous, on avait découvert il y a quelques années. Donc, parce qu'il y avait une très, très, très longue discussion de fusion avec les éléments naturels autour d'eux et de survie possible grâce à une connaissance approfondie des milieux et des écosystèmes qui sont à l'extérieur. Donc la question, elle est là aujourd'hui. IPBES, c'est une chose intéressante. Alors le reproche que je lui fais, c'est très onusien. Et j'ai vu que ça part très lentement. Il y a d'énormes forces de freinage. Voyons un peu comment ça va évoluer. En tout cas, on y met beaucoup d'espoir. Donc tout ceci va revenir à définir les enjeux économiques qui nous entourent. Ça, c'est le travail qui a été sorti dans un rapport de Bernard Chevassieu, lui et de ses collègues. En fait, ils sortent en 2009 pour le ministre, c'était Borloo à l'époque, qui avait fait cette commande de ce document. Économiser les questions environnementales et concluer en fait qu'il fallait rémunérer tous les services et tous les capitaux naturels au prorata de leur contribution à la production des services écosystémiques. Ça veut dire que tout ce qui est gratuit aujourd'hui, qui coûte rien, vous vous rappelez, on avait parlé de res nullius et de res communis la dernière fois, je vous disais, quand un thon rouge qui vaut 1 million d'euros est débarqué, alors qu'il appartient aussi bien à vous qu'à moi, il n'y a aucune raison pour que le type qui va aller le chercher, qui met l'argent sur la table pour aller le pêcher, puisse récupérer ces 1 million d'euros. Donc il faut qu'on change le système économique. On ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, à ce qu'on faisait depuis toujours, un capital physique, des roches par exemple, du sable, des granulats marins que vous allez extraire, un capital biologique, une forêt tropicale, une rivière, ce que vous voulez, et un capital humain. On verra que le drame en fait, du système naturel, c'est qu'aujourd'hui, la nature ne vaut rien. Elle ne vaut qu'au niveau du travail que les humains font dessus et sortent de la production dessus. C'est ça la question qui est fondamentale, qu'il faut qu'on change dans le futur. Eh bien, on dit, nous, il faut rajouter les services écologiques. On ne peut pas les estimer gratuitement. On avait calculé rapidement que si la pêche, qui est en train de s'effondrer, parce qu'on surpêche, ça c'est clair, on en a parlé dans la séance numéro 4 ou 5, vous savez que c'est partout, je finirai sur les chalutages profonds, encore une fois, c'est mon dada, et vous verrez bien que si la pêche s'en va, elle peut s'en aller, on avait dit plus de poissons dans les océans en 2048, si on continue comme aujourd'hui, eh bien, c'est simplement 100 milliards d'euros par an. Et c'est 55 millions d'emplois de pêcheurs qui s'en vont, tout simplement. Les abeilles, on m'avait dit, je n'avais pas parlé d'abeilles à la session inaugurale, elles sont tout le temps dans ma tête. Les abeilles, les pollinisateurs, on avait vu que c'était quand même très important. Si elles partaient, c'est de l'ordre de 180 milliards d'euros par année du travail que l'humain devra fournir pour faire le travail des pollinisateurs. Le palu, chagas, on en a beaucoup parlé la dernière fois aussi, bien sûr, vous avez la fois avant, que toutes ces maladies sont très liées aux changements globaux. Donc, tenons compte aussi des services écosystémiques qui, pour l'instant, sont considérés comme gratuits. Il va bien falloir les rémunérer un jour. Alors, j'aime beaucoup ce travail parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé de Rockström en 2009. Eh bien, a été repris l'an dernier par des économistes. Ils ont repris le travail de Rockström et ils ont mis des données économiques dessus. Donc, je vous rappelle, changement climatique, eau potable, cycle de l'azote et du phosphore, acidification des océans, tout ça, on en a parlé, pollution chimique, les aérosols dans l'atmosphère, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'appauvrissement de la biodiversité, les changements d'occupation des sols, tout ça, quand on remodélise à partir du principe classique de la biologie, de la physique et de la chimie de Rockström, on y met des données économiques avec un plafond environnemental qu'on ne peut pas franchir, si on veut continuer à vivre en harmonie, bien sûr, un plancher social aussi correspondant, tout ça dans un espace sûr et juste pour l'humanité et un développement économique inclusif et durable. Donc c'est intéressant, on commence à relier des éléments qui auparavant, bien sûr, étaient trop distendus et n'étaient jamais mis en relation les uns avec les autres. Alors l'eau, les revenus, l'éducation, la résilience, on en a beaucoup parlé, la voie, les emplois, les différentes voies possibles, l'énergie, l'équité sociale, important, l'égalité des sexes, on en a parlé aussi, la santé, la nourriture. Tout ceci nous permet de relier des systèmes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas remis en relation. Et quel est le paradoxe actuel? Pourquoi est-ce qu'on va dans le mur? Tout simplement, enfin, on va dans le mur. On m'a dit, il n'y a pas de mur. C'est vrai, il n'y a pas de mur. Je ne devrais pas dire ça. Je reprends en fait un terme anglais utilisé par Vitousek en 97, « we go to the wall ». Il n'y a pas de mur, il n'existe pas. En fait, ça va être dilué dans un système de plus en plus appauvri qui va faire qu'on va de plus en plus souffrir. C'est comme ça que ça va se passer, si on ne change pas. Donc, le paradoxe actuel, c'est que l'inégal accès à la consommation, c'est le cas aujourd'hui, on a vu 20%, 80%, conduit les riches et les pauvres, tous les deux, à aspirer à la poursuite de la croissance. C'est ça le problème aujourd'hui. Or, elle n'est pas possible. Comment on fait? Je ne parle pas de décroissance. Hein. Comment on fait avec une croissance, qu'on arrête de nous dire qu'il faut une croissance infinie, dans un monde fini, pour qu'on puisse effectivement s'en sortir? On peut vivre beaucoup mieux, en beaucoup plus grande harmonie et bien plus de bien-être, en consommant moins. C'est là qu'il faut qu'on change, bien sûr. Alors, l'horizon des décideurs politiques, on l'avait dit aussi, hein, demeure très court. Hein. La prochaine élection a lieu dans quelques mois ou quelques années. Ça, on avait dit, est-ce qu'une démocratie, c'était Alain Juppé qui m'avait dit un jour, est-ce qu'une démocratie peut vous permettre de résoudre les questions que vous posez ici? Vraie question. Moi qui suis profondément démocrate, il faut que je m'interroge quand même. Donc c'est vrai que c'est un système qui est compliqué. Si effectivement on est obsédé par une réélection putative dans les années qui viennent, on ne prend pas les mesures qu'il faut, bien sûr, parce qu'elles doivent être courageuses, elles doivent être énergiques, elles doivent être impopulaires, pour qu'on puisse effectivement, collectivement bien sûr, hein, pas pour l'intérêt de quelques-uns, avancer dans le système. En économie classique, la nature n'a pas de valeur, c'est ça le problème, hein, en elle-même. Elle en acquiert de la valeur, c'est simplement uniquement à travers le travail humain. Et là, il faut qu'on change nos mentalités là-dessus, bien sûr. Quelle nouvelle finalité pour l'économie? Alors, première question, quels indices a-t-on du bien-être ou d'économie qui tourne? Et vous savez qu'on utilise depuis très longtemps le produit intérieur brut, le fameux PIB. Et là, tous les économistes sont maintenant d'accord. Costanza a fait une conférence à Paris il n'y a pas très longtemps, en montrant aujourd'hui que si je prends le PIB ici, par exemple, c'est fait aux États-Unis, sur 55 années, en dollars, effectivement, le PIB a augmenté. Donc, globalement, on a créé de la richesse globale. Bon, je voyais récemment un article où on voyait qu'il y a de plus en plus de milliardaires, hein, de plus en plus, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus en plus de pauvres aussi, bien sûr, dans le système. Hein. Et donc, ce PIB n'est plus du tout un reflet du bien-être aujourd'hui. Je pense qu'il a été dans les années 50, 60. C'était pas un mauvais indicateur. Donc, ici, on travaille sur l'IPV, qui est l'indicateur de progrès véritable, qui rajoute, en fait, au PIB, une estimation monétaire des vraies richesses, le bénévolat, hein, le bénévolat. Le temps que vous prenez pour venir m'écouter ici, hein, quel coût ça a, pourquoi vous le prenez, à quoi ça sert, c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose, bien sûr. Hein. Le travail domestique, hein, d'une femme à la maison, qui n'est pas rémunérée, lui soustrait la destruction des écosystèmes, parce que si on construit un PIB en détruisant la nature, ou en surexploitant, là, on va dans ce fameux mur qui n'existe pas, c'est évident, bien sûr. Hein. Quand je vois les PIB de la Chine, moi je veux bien, mais je préfère faire que 2 points de PIB que 9, hein, si mon système consiste à tout détruire autour de moi pour rapidement arriver à des systèmes qui seront absolument plus vivables en fait dans le futur. Et où ce bien-être qu'on évoque ensemble, on ne pourra pas bien sûr y parvenir, c'est très clair. Donc ce PIB a quand même pas mal de peau dans l'aile. Hein. Alors il faut enlever la couche d'ozone détruite, combien ça coûte? Combien va coûter à l'humanité le trou dans la couche d'ozone? C'est une vraie question, il faut qu'on le modélise, il faut qu'on le calcule ceci. Ça va coûter très cher. Il n'y a pas que les coups de soleil, les cancers de la peau des Australiens ou des Chiliens du Sud. Hein. Il y a plein d'autres choses, bien sûr. Hein. Le niveau de criminalité qui augmente dans un dysfonctionnement social, comment on arrive effectivement à mettre ça dans un système? Alors, donc on a inventé un tas d'indices. Alors, c'est les Canadiens qui ont travaillé là-dessus. Les Canadiens ont inventé des indices de mieux-être. Voilà. Alors il y en a plein. Hein. Il y a le PIB là, alors lui, il augmente indéfiniment. Les gens vous disent, moi, je ne vis pas mieux hein, qu'il y a 10 ans. En fait, je ne suis pas mieux aujourd'hui. Donc, cet indice, il n'est pas très bon. Il marche peut-être pour quelques-uns, mais pour une infime majorité de la population, en fait. Alors, ils ont des indices d'éducation, de niveau de vie, de participation démocratique, d'aménagement du temps de travail et des loisirs, de la culture et l'environnement. Regardez un petit peu ici la prise en compte de l'environnement. Ce n'est pas très glorieux. Hein. Ça veut dire que ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Deux pays qui étaient emblématiques, qui étaient le Canada et l'Australie, sont en train de sombrer en ce moment pour des raisons politiques dans des mondes où le naturel est entièrement détruit. La grande barrière d'Australie, on ne s'en préoccupe plus. Les feux répétés qui entourent Sydney, qui a failli brûler 3-4 fois dans les 10 dernières années, sont là, partout. Et au Canada, on ne vous raconte pas les histoires, effectivement, d'extraction de produits dont les Canadiens n'ont pas besoin. C'est uniquement business, business as usual. C'est ça la question aujourd'hui, qu'il faut qu'on change, bien sûr. Alors, il y a toute une série de marqueurs qui ont été faits. L'indice de santé du capital, les Australiens ont fait un indice de bien-être, un indice de bonheur, on a mesuré ça. Tout ça est calculé, les économistes modélisent ceci, on met ça bout à bout, on regarde. Il faut qu'on trouve le bon. Je sais pas, je pense pas qu'on va trouver un seul bon qui remplacerait le PIB. En tout cas, le PIB, oublions-le, passons à autre chose. C'est fondamental si on veut continuer à avoir des indices de mieux-être qu'on évoquait. Alors, je vais reciter mon ami Robert Barbeau. J'avais commencé par lui quand j'ai commencé mes cours, puisqu'il décédait une semaine avant ma leçon inaugurale. Il écrit un très beau texte d'un petit livre qui s'appelle « Notre avenir est dans les choux ». Tout type gardé. Et c'est écrit à la fin de l'année 2010. Il dit « Ces écologues, on les a longtemps pris pour des contours de papillons et de grands sentimentaux, les défenseurs de la biodiversité, qu'on est tous ici dans cette salle aujourd'hui. Mais celle-ci n'est pas l'apanage de poètes romantiques. Fruit de milliards d'années d'évolution, c'est elle qui a permis le succès de la vie sur Terre, y compris de l'espèce humaine. Qu'elle prenne la forme de choux, de carottes, d'oiseaux ou de vermisseaux, elle conditionne notre futur, cette biodiversité. Et nous ne pouvons nous en passer, je vous l'ai souvent répété. Nier cette évidence, comme le font certains, nous expose à des lendemains bien sombres. À l'évidence, c'est ça qu'on va trouver la relation avec l'économie, la dégradation de la biodiversité nous renvoie à nos dysfonctionnements en tant qu'espèce sociale, l'humain. Et c'est principalement notre dimension humaniste qu'elle remet en cause. C'est très important. Vous voyez qu'on va toucher très rapidement à de la biologie, à de l'économie et à de la philosophie très rapidement, bien sûr. Donc ce changement, il est aussi intérieur, hein. Grandir en humanité, grandir en humilité, on l'a souvent dit. Comment est-ce qu'on change? Comment on fait chacun au fond de soi-même? Et comment après on passe de chacun au fond de soi-même à un système social organisé qui va contrecarrer les systèmes gouvernementaux qui ne fonctionnent pas, puisque de toute façon, on n'avance pas. On verra tout à l'heure qu'en fait, on n'avance pas. Alors regardez le PIB en France. Hein. Année 50, c'est une branche d'hyperbole qui descend. Pas très glorieux, je sais pas. Alors on va arriver effectivement à des choses. Là, on est négatif hein, depuis cette époque-là. Là, on est en dessous. Et là, vous avez un projet minier, je vous l'avais dit, c'est le projet de Koniambo, en Nouvelle-Calédonie, qui est le plus gros projet minier au monde, ça se calcule en milliards, en fait, hein, d'investissements, pour aller enlever une montagne de nickel et l'exporter vers la Chine. À quel coût environnemental? Un coût économique vu à bout de nez, hein, sur très très peu de temps, en fait. Le nickel, en plus, il y a eu un effondrement des cours du nickel récemment, donc en fait, on fait des investissements fantastiques pour des choses qui sont peut-être pas si durables que ça, qui va redevenir rare. Et comment on fera s'il n'y a plus de nickel dans quelques temps? L'inox, qu'on utilise partout, hein, ben, il contient bien sûr du nickel. En fait, on sort d'une économie qui a toujours été, en fait, je dirais, assez attrayante, en fait. Hein. C'était normal qu'on fasse des bénéfices et du profit. Ben, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, tant que c'était comme ça tout le temps, on pouvait effectivement rester comme ça, sans compter le coût social que ça avait ailleurs que chez nous, bien sûr. Hein. J'en parlais l'autre jour avec nos ministres en disant « C'est bien de tenir compte de l'impact écologique en France, mais tenons compte aussi de nous, Français, hein, qui la ramenons tout le temps en disant qu'on veut devenir un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité, sur ce qu'on va chercher ailleurs. Hein. Vous vous rappelez mon schéma sur le soja la dernière fois, hein, argentin, qui va nourrir les vaches françaises. Il faut qu'on se pose aussi ces questions-là, bien entendu. » Et alors là, c'est notre ami Costanza. La principale question réside maintenant dans la possibilité de maintenir des valeurs nulles. C'est le cas du Japon depuis 20 ans. Le Japon, depuis 20 ans, ne bouge pas. Faute de quoi, l'enchaînement de chiffres de plus en plus négatifs, comme c'est le cas en France aujourd'hui, signera le recul économique et ses conséquences sociales historiquement classiques. Ça veut dire retour à la barbarie, disait Michel Rocard il y a quelque temps. Et moi, je conclue encore, retour à la barbarie, c'est encore les femmes qui vont trinquer en premier avec les enfants. Hein. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. La croissance du PIB ne contribue plus à l'amélioration du bien-être. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Ne pas focaliser aujourd'hui sur la croissance matérielle, mais sur le vivre mieux. Et c'est là, effectivement, que le progrès doit être fait. Et là, il ferait un gros travail chacun sur soi-même, bien sûr. C'est pour ça que le monde associatif doit avoir un rôle fondamental dans ces questions-là, bien sûr. C'est un travail intéressant sorti il y a quelque temps, il y a 2 ans, dans la revue Science, où là, on a calculé les coûts qu'on va devoir trouver pour sauver cette biodiversité. Donc, ils l'ont fait sur différents types. Sur les oiseaux, ils l'ont fait par région géographique du monde. Alors, on l'a fait pour la mer, pour les océans, on l'a fait pour les continents. Alors, ils prennent les espèces protégées de l'UICN, hein, espèces en grand danger d'extinction, en moyen danger d'extinction, pour l'instant pas préoccupantes pour l'instant. Et ils ont regardé combien on va devoir rajouter. Les chiffres sont faramineux, hein, puisqu'on est ici de l'ordre de 20, entre 9 et 23 milliards de dollars par année. Et on arrive en tenant compte de beaucoup plus d'espèces, on est entre 3 et 76 milliards de dollars. Et on arrive à des chiffres, effectivement, de cet ordre-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être capable, après les rapports de l'UICN, de mettre en place des mesures qui vont nous permettre de sauver de l'extinction ces espèces, ben, faut trouver des sous, il faut qu'on change au moins d'une magnitude en argent qu'on va mettre sur la table. Alors, et ça relance des questions philosophiques. Hein. Virginie Maris, qui est une jeune philosophe du CNRS à Montpellier au CEF, nous dit, voilà, elle s'intéresse à un petit poisson, un tout petit poisson d'eau douce, qui est tout noir, vraiment moche hein, comme poisson, en plus qui est immangeable, il a un goût absolument épouvantable. Elle dit, comment je sauve ce truc-là? C'est une vraie question. Il me faut 50 millions de dollars pour sauver le petit poisson du Colorado. Est-ce qu'on va le mettre l'argent sur la table? Hein, vous vous rappelez, je vous ai raconté des perruches en Nouvelle-Zélande il y a quelque temps, où on a sauvé un couple de perruches à un prix faramineux. Et puis vous avez raconté l'histoire qu'après, ben, ces perruches, maintenant, on les a mis dans la nature. Et puis ces perruches, ben, figurez-vous que dans la nature, pour une espèce très rare et ultra protégée, la femelle a un comportement bizarre, elle pond ses œufs, la moitié au milieu du nid, la moitié à la périphérie du nid. On se dit, oui, mais alors, et quand elle rentre dans le nid, elle fait tomber les œufs d'à côté qui tombent par terre. Donc on se dit, oh, c'est vraiment trop con ce truc, on a essayé de la sauver. Donc maintenant, les écolos sont venus et on a remis tous les œufs au centre du nid. Et au bout de 10 ans, on se rend compte en fait que ça ne va pas du tout, parce qu'on se rend compte que comme ça, on sélectionne en fait un gène qui favorise la ponte de la femelle sur les œufs périphériques. Et de plus en plus, elle pond maintenant à la périphérie du nid, elle pond tous, elle pond les 4 œufs à la périphérie du nid. Et maintenant, on laisse faire, et ça marche bien, en fait. Il faut que 2 œufs tombent, et puis que 2 œufs, effectivement, survivent, même pour une espèce qui est ultra... C'est là que vous voyez que tout ce qui nous paraît, effectivement, évident n'est pas du tout. La nature a le secret de réaction à des agressions totalement inimaginables, même pour le cerveau le plus pertinent, le plus aigu que l'humain puisse avoir. Donc, toujours de l'humilité. Observons, faisons des modèles, regardons comment le modèle colle après avec la réalité, beaucoup mieux, comment la réalité colle sur le modèle, bien entendu. C'est ça qui fait deux sens. Et on ne va pas changer la réalité. Hein. C'est le modèle qui est adapté à ce qu'on va observer, bien sûr. Alors ici, c'est un très beau travail fait par les Anglais. Ils font des beaux travaux, les Anglais sont plus avancés que nous, sur une modélisation de toute la Grande-Bretagne au niveau agricole. Très, très beau travail, publié dans Science il y a moins d'un an. En fait, ils ont modélisé tous les écosystèmes terrestres continentaux avec tous les aspects agricoles, hein, les forêts, les champs, les types de cultures qu'ils avaient. Ils ont regardé comment aujourd'hui, par rapport à un usage actuel, on se projetait de 2010 en 2050, en tenant compte de la productivité agricole. Il y a plus d'Anglais, donc il faut faire plus, produire plus. On avait dit sans détruire les écosystèmes, sans empoisonner les gens, avec beaucoup moins d'intrants, sans pesticides et insecticides, sans gaspiller l'eau, sans diminuer la biodiversité. C'est un vrai challenge de recherche fondamentale, bien entendu. Hein. On l'a vu quand on avait fait le cours sur l'agronomie. On parle d'agronomie écologique de plus en plus. Hein, et c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de travaux qui sortent là-dessus. Et donc là, ils ont tenu compte aussi de la biodiversité. Ça veut dire que comment augmenter une productivité agricole sans détruire la biodiversité, et même mieux, en permettant à des espèces de proliférer, d'augmenter. On prend souvent les oiseaux parce que l'agriculture a un très gros impact sur les oiseaux. Les oiseaux sont classés, comme toutes les espèces, opportunistes ou spécialistes. Les spécialistes disparaissent, les opportunistes, ben, le goéland argenté. Hein, le goéland argenté, c'était un oiseau rare. 1880 en France, c'était super rare. Aujourd'hui, c'est le rat des oiseaux, il est partout. Hein, vous avez les grands cormorans, le cormoran marin, qui est à Orléans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait à Orléans, hein? Il a suivi les décharges des humains de Saint-Nazaire, de décharge en décharge. Il est passé par Chinon, Saumur, il est rendu à Orléans. Puis ils vont aller plus loin. Et donc tout ça, c'est intéressant à regarder parce que l'humain crée des conditions de déséquilibre en permanence dont quelques espèces opportunistes tirent parti. Et bien sûr, c'est au détriment des autres, bien entendu. Donc tout ça, c'est intéressant parce qu'il démontre en fait qu'ils peuvent arriver à des modèles aujourd'hui en monétisant. Hein. Alors c'est pas mettre de la valeur monétaire, mais en calculant économiquement les rendements agricoles et le coût de disparition des espèces, ils arrivent à mettre au point des systèmes où on montrera des gains jusqu'à 1000 fois plus productifs qu'aujourd'hui, simplement par une gestion générale des écosystèmes. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est un des premiers travaux qui ont été publiés comme ça, à l'échelon d'un pays, que j'aimerais bien qu'on fasse pour la France. Hein. Ici, par exemple, en région parisienne, ça serait un travail extrêmement intéressant à regarder, avec les espèces qui s'en vont, les productivités à l'hectare, qui n'augmente plus. Vous savez que ça fait, les rendements agricoles ont beaucoup augmenté entre 1850, les premiers cultivars, et 1990-2000. Et depuis 10 ans, ça bouge plus, hein. Les rendements en maïs, en blé, en orge, c'est exactement les mêmes, hein. Ça veut dire qu'on est un peu rendu au taquet. Il faut qu'on pense à autre chose. En revenant sur une diversité, bien sûr, génétique des plantes qu'on produit d'intérêt agronomique. C'est très important, on l'avait dit, conserver ces variétés. Le centre de la pomme de terre au Pérou, à Lima, c'est 7 espèces de pommes de terre, 5000 variétés. Hein, comment on a sauvé le riz, vous vous rappelez la crise du nanisme du riz en Chine et en Inde il y a 7 ou 8 ans, c'était en 2007. Hein, on a dû tester près de 3000 variétés de riz pour trouver la bonne qui s'en est sortie. Et maintenant, celle-ci a fait 100 000 km² de culture de riz en Asie. Donc gardons ceci, la vraie valeur, elle est là. Comment on chiffre ça économiquement, hein? Comment on garde ceci? La question des semences qui est relancée en permanence, hein, dont on parle en permanence ici aussi en ce moment, avec la question relancée de la brevetabilité du vivant, qui est vraiment posée. Hein? Est-ce qu'on peut s'abroger le droit d'avoir sa variété et de la mettre partout? De toute façon, un jour, cette variété, elle ne sera pas capable de répondre à une nouvelle agression pour laquelle elle n'est pas préparée à répondre, en fait. Hein? Et on trouvera un petit truc perdu au fin fond d'un pays où il reste quelques individus qui savent répondre à l'agression. Donc gardons-les, travaillons-les. Et ce n'est pas la culture au Svalbard, en Norvège, sur les îles norvégiennes, qui vont nous sauver le système. On garde les graines de toutes les plantes agricoles, mais si on ne les repique pas, elles vont devenir mortes très rapidement, ces graines. On aura de l'ADN de plantes qui auront existé, c'est tout. Aucun intérêt agronomique. Il faudrait les replanter en permanence pour que ça puisse donner quelque chose. Alors, économie et écologie. L'actuel, Jacques Weber nous dit en 2011, organisation économique actuelle anthropocentrée, création de richesses par destruction des écosystèmes et surexploitation. On l'a vu, non durable dans un monde fini. Et là, l'exemple des pêches profondes est typique. Cette image, je l'ai prise dans un papier dans Nature, publié par des collègues donc catalans de Barcelone, sur les traces de chalutage dans les canyons profonds de Méditerranée. Regardez ce qu'on a fait des canyons profonds. Ils montrent que ça modifie complètement ce qu'on appelle la neige de l'océan, hein, tout ce qui tombe de la surface dans les canyons, puisque comme ils remettent en suspension tous les fonds, tout ça est profondément modifié. Ils montrent des disparitions d'espèces de crevettes qui sont liées à ça, et que le principal moteur de l'évolution des fonds marins, aujourd'hui, il est totalement humain, puisque c'est le chalutage profond. Et ça, c'est une fuite en avant typique d'un monde fini qu'on veut continuer à détruire. Hein, comme on a tout pris dans les écosystèmes entre 0 et 400 mètres, on va à 800 mètres, à 1000 mètres, à 1200 mètres, et on voit les parlementaires européens qui récemment n'ont pas pris la décision qu'il fallait prendre en interdisant les... Je parle du chalutage, je ne parle pas de la pêche à la ligne, on peut discuter, et ni de la palangre, je parle du chalutage profond qui détruit les écosystèmes. Alors après on dit, oui, vous comprenez, il y avait des coraux profonds, ils sont partis. Les chalutiers ont tout enlevé. Alors maintenant, écoutez, comme ils sont partis, on va leur permettre de pêcher là. De qui se moque-t-on? Hein, encore une fois, avec une énergie fossile délirante. Traîner un chalut à 1000 mètres, vous imaginez ce qu'il faut comme énergie. C'est pas rentable, c'est subventionné par l'Europe. C'est un système qui est absolument pas soutenable. Et ça, on doit vraiment pas, bien sûr, continuer comme ça. À quoi passe-t-on? À un système écocentré. Création de richesses par optimisation des fonctions, c'est très important. Développement des solidarités par un nouveau vivre ensemble qu'il faut qu'on mette en place. Une solidarité écologique, économique et sociale. Je vous le disais, chaque fois qu'on touche à un système écologique, on touche aux aspects sociaux. Ça a un coût social pour les humains qui sont là. Hein? L'attraction des grandes villes pour les Africains aujourd'hui, vous allez à Lagos ou à Monrovia ou à Joburg, tous ces gens qui viennent de la campagne, agriculteurs, qui sont attirés par le mirage de la ville ou parce que leur système a été détruit, le climat a changé, les récoltes ne sont plus durables, s'agglutinent sur une ville, ils n'ont aucun droit social, ils n'ont pas de droit, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils vivent? Allez voir les villes indiennes, on a parlé de Mumbai, de Bombay ou de Calcutta, qu'est-ce que sont ces villes aujourd'hui? Hein, comment les gens peuvent-ils vivre en imaginant ce qu'est un mieux-être dans des conditions comme ça? Il y a des images terribles dans un film de Bertrand récemment, au Sénégal, de gens qui vivent dans une décharge, en suivant un gros bulldozer qui avance dans la décharge. Des images très fortes, hein, bien sûr. Ça, c'est typiquement pour moi la fuite en avant. Alors, c'est vraiment la démonstration actuelle de choses qu'on va continuer, qu'on va permettre, alors que ça n'a aucun sens. En plus, c'est très peu riche, ces écosystèmes. On ne débarque pas grand-chose. Même si on allait entièrement les détruire, on ne soit même pas 1% de la pêche mondiale. Des poissons qui maturent entre 20 ans et 30 ans, la femelle de l'empereur, entre 20 ans et 30 ans. C'est deux fois l'âge d'une femme pour faire ses premiers bébés, hein, la femelle d'empereur. Elle vit 100 ans. Elle est tellement moche, elle a une tête tellement horrible qu'on coupe la tête et qu'on vend un filet sur un étal pendant quoi? 3 ans, 4 ans? Il y a eu un cas en Australie, on a vendu un poisson, on ne connaissait même pas son nom. Donc, on n'en a pas besoin. Hein, continuer à produire des choses en agroécologie, on n'a pas besoin de ça, en fait, aujourd'hui. Les réserves sont-elles efficaces? Ça, c'est la vraie question qu'on nous pose en permanence, c'est une vraie question. Alors, il y a pas mal de travaux qui ont été faits, je dirais oui et non. Et je vous ai souvent dit, hein, je suis pas quelqu'un qui défend les sanctuaires. C'est pas mon truc. Je pense qu'on va pas faire des réserves interdites aux humains, on va revenir à des choses qu'on avait imaginées à une époque. Non, non. Par contre, bien sûr, il faut un effet tampon autour de la réserve qui permette à cet effet réserve de s'exprimer. On le voit sur les réserves marines en Méditerranée, c'est spectaculaire, hein, les miroirs avaient disparu. Le Mérouche, à Bagnols, où j'ai travaillé très longtemps, c'est un arrêté préfectoral. Il m'avait convoqué il y a 11 ou 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Ben, je dis, on interdit la capture, la pêche au mérou en plongée sous-marine au harpon. Très bien. Et puis, il me dit récemment, est-ce que maintenant, on le repermet, les mérous étant revenus? Je dis, surtout pas. En une journée, ils vont me tuer tous mes mérous. Je dis, mais vous voyez un peu où j'en suis rendu. Tous les mérous. Parce qu'ils les ont repérés, ils plongent tout le temps, il est là, le pauvre mérou, vous l'approchez à 20 cm, vous tirez une flèche dans l'œil. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Alors que ces mérous, au contraire, sont très importants aujourd'hui pour attirer un tourisme subaquatique qui va s'installer et qui vient là parce qu'on voit encore des beaux mérous dans la réserve de Bagnols-Cerbère. C'est la même chose à Port-Cros aussi. Hein. Donc tout ça, c'est très important à prendre en compte. Autre aspect sur les réserves, n'oubliez jamais aussi une chose, vous en avez parlé pour ma réserve, c'est la mienne, celle de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales. À la Massane, en fait, on communique sur la Massane pour la faire aimer, la faire protéger, la faire connaître, et que tous ensemble, on soit là, effectivement, pour défendre ce projet particulier, mais sans trop non plus avoir de fréquentation. C'est un délicat compromis à trouver pour les gens qui s'occupent des réserves naturelles, en fait. Hein. Parce que si trop de gens viennent, eh ben, l'intérêt va rapidement diminuer. Hein. Vous ne serez plus d'intérêt mondial en attirant les gens parce que vous aurez dégradé les écosystèmes. Et puis, elle se mérite. On y vient à pied, on marche. Hein. Et puis, on jette pas sa canette de bière au bord du chemin. On la ramène chez soi pour la mettre à la décharge. Et ça, c'est important. N'oublions pas non plus les questions globales de changement. Et je reviens à la forêt de la Massane. En ce moment, on est en train de la perdre à cause de la dramatique canicule de 2003. On a perdu 17% des hêtres. Et un arbre, il ne meurt pas en 15 jours. Un arbre, il met 4, 5, 6 ans à mourir, un arbre. On voit une descente de cime, on voit les champignons qui s'installent dessus. Et après, l'arbre qui dépérit. Et puis après, on a eu des sécheresses répétées donc jusqu'à 2006. Et puis, bien sûr, l'horreur, c'est les 15 000 camions poids lourds. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent au monde, peut-être, je ne sais pas, en Chine, je ne sais pas. Ils passent 15 000 camions tous les jours au col du Pertus. Et qui, bien sûr, déclenchent des épisodes d'ozone qui viennent sur la forêt et qui tuent les arbres. Plus la ville de Barcelone, un peu au sud aussi. Et ça, c'est des systèmes que font que même la réserve la mieux protégée au monde ne peut pas survivre. Donc, il faut tenir compte d'aspects très locaux, on avait dit, hein, local ou global. On avait dit local. Hein. Démarrer sur le local, parce que les gens se battent pour un système local, et après, rapidement, on arrive à un système global qui va, en interférence, revenir sur ce qu'est le système local. Question. Est-ce que la fuite en avant dans l'hyperconsommation aujourd'hui est un moyen, ce qu'on vit aujourd'hui, hein, de combler le vide laissé par l'épuisement des grands idéaux? Vraie question. On est vraiment à la transition entre la philosophie, la religion, l'écologie, plein de choses. Deuxième question, la croissance a longtemps été un phénomène immanent de la vie économique. Oui, ça marchait. Les Trente Glorieuses, ça marchait. Ça marchait globalement, tout le monde s'enrichissait, et puis on pensait que ça allait être comme ça tout le temps. Et on a fait beaucoup, beaucoup de bébés. Hein. Je vous dis souvent, moi j'ai passé le demi-siècle, on a multiplié l'humanité par 3, hein, 2,8, c'est terrible en fait. Hein. Donc ça va très, très vite, bien sûr, dans cette euphorie économique de l'époque. Transition écologique, aujourd'hui, n'est pas jugée assez rentable par les investisseurs, et la mondialisation à l'épreuve de la transition écologique. Vraie question qui est posée ici. Et en France, dans ce pays aujourd'hui, on confond transition écologique et transition énergétique. Ce n'est pas la même chose. Il nous faut une transition énergétique qui a des impacts sur l'écologie, mais il faut aussi une véritable transition écologique qui ne soit pas que énergétique. Ça, il faut y songer aussi en permanence. Mais je me heurte beaucoup au niveau aujourd'hui du système gouvernemental. On ne parle que de transition énergétique. Il y a aussi une vraie transition écologique. Quels outils a-t-on pour la réaliser collectivement ensemble, bien sûr? Encore une fois, hein, pour vivre mieux, hein, pas du tout pour retourner à des choses ancestrales. C'est pas ça du tout mon propos, évidemment. Gérer les biens communs de manière coopérative. On avait vu la dernière fois que gérer des biens communs, hein, res communis, comme le privé, amène à sa destruction. Ça, c'est clair. Donc, il faut que collectivement, on arrive à gérer ces biens communs. Une rivière, par exemple, ou un morceau d'estuaire, un morceau d'océan. Hein. Ça, c'est très important aussi. Alors, les pays du Sud, qui, bien sûr, alors, nous posent problème, mais en fait, ils ont le droit de se développer, bien entendu, du Sud ou de l'Est, hein, ont le droit, bien sûr, un double droit aujourd'hui, d'une part, à participer à la croissance des ressources physiques de la planète, mais aussi à un rattrapage économique. Et c'est là que le système est inquiétant pour nous tous, et qu'on voit un peu sur l'Europe, c'est très compliqué, on verra comment l'Europe est menacée aujourd'hui, comment on va entrer, effectivement, en compétition, je dirais, pas violente, hein, avec un développement chinois, indien, qu'on évoquait tout à l'heure, ou brésilien, pour prendre les monstres actuels qui partent, hein, où est le mieux-être, dans quel type de région du monde, à quel coût économique et du bien social qu'on évoquait, y compris le coût du travail. Hein. Tout ça, il faut absolument qu'on arrive à y réfléchir de façon... C'est très compliqué, hein, je suis bien conscient de ce que je vous raconte là, mais c'est ça le défi qu'on a en face de nous, pour que collectivement, effectivement, on arrive à quelque chose qui soit soutenable. Alors, planification écologique n'a pas vocation à remplacer le marché. Je me bats toujours pour dire ça. C'est pas, on n'est pas en train de ramener les. Il y a un marché global. Simplement à l'encadrer. Hein, c'est très clair. Là où il se montre inefficace. Et Dieu sait s'il se montre souvent inefficace en ce moment, ce marché. Donc c'est là qu'il faut changer nos façons de faire. On ne peut pas laisser les gens aux manettes, les financiers et les économistes. Hein, ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il faut revenir à des lois de l'économie qui existent aussi, bien sûr, bien entendu. Alors, la France a créé un commissariat général à la stratégie et à la prospective qui ne dépend pas du tout du ministère de l'écologie, mais du Premier ministre. Est-ce que ça va être un outil de communication pour qu'on puisse là-dessus pouvoir avancer collectivement sur ces questions-là? C'est quelque chose, en tout cas, que je ne peux que saluer. On va voir l'efficacité que ça va avoir, hein, dans le paradoxe d'une démocratie où les gens attendent leur réélection. Ça, c'est une vraie question qu'il faut. Il faut bien être pragmatique sur ces questions-là, hein, et très franc, sinon ça ne marche pas, sinon on perd notre temps. Il faut aujourd'hui transformer l'économie pour vivre mieux en consommant moins. Voilà le vrai défi, en fait. Hein. Cessons de vivre à crédit. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important à développer. Il faut changer de cap. Voilà, ça, c'est très important. Ça, c'est Philippe Frémaux qui a fait un très joli petit livre il y a juste un an là-dessus. La prise de conscience et surtout les mesures à prendre prennent trop de temps. Hein. Et c'est là qu'il faut que nous, collectivement, on agisse. C'est là qu'il faut qu'on fasse pression sur les acteurs d'un développement insoutenable. C'est tout. Changer, regardez. 1915, en Inde, un des grands penseurs indiens, Sri Aurobindo, écrivait à l'époque, on ne parlait pas d'écologie. Hein. Il disait, l'homme ne peut plus désormais supporter le développement gigantesque que lui a créé, hein, de la vie extérieure sans un changement intérieur. C'est intéressant quand même, hein, c'est la question qu'on se pose. On est quand même presque, oui, on est un siècle après quand même. Hein. Et puis il disait finalement, si l'humanité veut survivre, le mot est terrible, moi j'ai jamais utilisé, vous m'entendez jamais dire ça, je dis pas que l'homme va disparaître, je dis qu'on va beaucoup souffrir, c'est un petit peu différent. Hein. Et puis, par contre, à l'échéance 100 ans, oui, il y en aura, 1000 ans et 10 000 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas une échéance que je vois probable dans un futur proche. Mais simplement, c'est la souffrance de l'humanité pour continuer à vivre dans ces conditions particulières qu'on évoque. Survivre, disait-il, une transformation radicale de la nature humaine est indispensable. Et ça, c'est très très important. 1915, c'est intéressant comme d'y revenir un petit peu. Hein. Et voilà, dans un contexte global de catastrophe. Regardez, ça c'est une courbe des assureurs, c'est pas des écolos, hein. Ce sont les assureurs publics mondiaux dans le monde qui nous montrent comment progresse le système, avec les primes versées par les assureurs. Alors, ces catastrophes, elles sont soit d'origine naturelle, hein, non humaine, hein, le tsunami du Japon, de Fukushima, la tempête à l'île de Sein récemment, est-ce que l'humain peut avoir un rôle là-dessus? Pourquoi pas, hein. Des inondations gigantesques, et puis aussi des feux, qui, là, on sait très bien, sont liés aux activités humaines dans les forêts. Le Portugal a brûlé de façon épouvantable pendant 4-5 ans pour une très mauvaise gestion des forêts, alors que ça ne se passait pas du tout de la même côté du côté espagnol ou du côté de la Galice, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que là aussi, il faut qu'on s'interroge sur nos impacts sur le milieu. L'humain est tellement puissant aujourd'hui dans ses activités. On revient à Palombi qui disait le plus puissant moteur de l'évolution aujourd'hui, c'est effectivement l'humain et ses activités économiques, y compris les animaux domestiques, plus que ce qu'on avait vu pendant très longtemps dans les premiers cours sur l'évolution des grands facteurs du milieu. Hein. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la faute de l'humain uniquement. N'empêche qu'il y contribue fortement. En plus, il y a un aspect évident. C'est que l'humain actuel, comme il s'est multiplié de façon infinie, ça coûte de plus en plus cher. L'impact d'un événement X en l'an 1000 et aujourd'hui, ce n'est pas le même, bien sûr. Parce qu'on est beaucoup plus offert, bien sûr, à ces événements extérieurs. Mais ça, quand même, c'est intéressant qu'on y réfléchisse. Hein. L'humain et les milieux. Je vous ai mis ici la composition de l'océan au large. Hein. C'est pour nous ramener à plus d'humilité. L'océan au large, c'est ça. C'est très constant, on avait dit, très stable. Depuis 100 millions d'années, c'est comme ça. Hein. La même pression osmotique, la salinité, la même acidité, le même pH, hein, exactement. À température, au fond, partout, 2,5 degrés. On est dans un monde extrêmement stable. Et on avait d'ailleurs conclu que c'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup moins d'espèces dans les océans que sur les continents. Quand on se rapproche de l'océan vers le continent, on vient vers la zone côtière, la zone estuarienne. Là, effectivement, il y a beaucoup plus de variétés d'espèces parce qu'on arrive à des systèmes qui ressemblent déjà au continent, bien sûr. Hein. On avait vu qu'il y a aujourd'hui connu. Hein. Au Musée d'histoire naturelle, on a à peu près 7 fois plus d'espèces d'origine continentale que marine dans nos collections aujourd'hui. Et on est là, on est bien le grand musée dépositaire de ces questions particulières. Et on avait dit sur les 2 millions, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces connues aujourd'hui, on avait dit 250 000 sont des pollinisateurs des continents. Vous voyez que tout ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et je vous ai mis simplement ici la composition de votre sang en ce moment. S'il y a des médecins dans la salle, voilà, quand on fait une prise de sang, on mesure. Qu'est-ce que, fait, que font les chlorures dans un sang humain? Le sodium, le potassium, ça sert à quoi? Ça vient d'où? Ben, ça vient de l'océan ancestral. Et ça, ça devrait nous ramener à beaucoup plus d'humilité. Ça nous relie à cette nature autour de nous. On en est totalement issus. Hein, quand vous avez le potassium qui change chez vous, 3 millimoles, on passe à 6 ou 7, ça va plus, c'est le coma profond. Hein. Ça veut dire qu'on a un milieu très stable qui coûte très cher. Hein. On appelle ça l'homéostasie en médecine. Hein. On est très intéressé par ça. Et l'humain est très fort pour avoir une homéostasie très, très, très, très, très, très puissante. On garde tout le temps le même pH. Hein. 7,44, ça ne boute pas du tout. La même température, hein, la même pression osmotique. Hein, 302 milliosmoles, l'océan c'est 1050. Donc l'eau de mer, en gros, c'est à peu près 3 fois plus salée que le sang humain. En gros, hein, le sang humain, c'est 3 fois moins. Tout ça est intéressant parce que ça vous montre le lien physique qu'on a avec cette nature qui nous entoure. Et dessus, la physique, vont sortir toutes les questions qu'on aborde, bien sûr, ici aujourd'hui, dans un changement global. Regardez ici, ça c'est la vague de mortalité en France durant l'été 2003. Dans un pays aussi protégé que la France, aussi régulé, croit-on, où l'humain est aussi sorti des considérations écologiques, croit-on, 15 000 morts. Et les morts, les gens ne sont pas morts à Marseille ou à Montpellier ou à Perpignan ou à Bordeaux. Ils sont morts à Paris, ils sont morts à Rennes, ils sont morts à Brest, ils sont morts dans le nord de la France, pour quelques degrés de différence, finalement. Et je vous ai mis ici un événement terrible qu'on a complètement oublié en France parce que tout le monde s'en foutait, c'était en Russie. En 2009, 100 000 morts sur la canicule de 2009 en Russie. Et ça, c'est intéressant parce que ça déclenche ces mortalités chez les humains. Ça déclenche aussi, bien sûr, des graves crises agronomiques ou les effondrements de la culture du blé. Pourtant, l'Ukraine, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est à peu près 13% du blé mondial. Ça va expliquer toutes les émeutes de la faim dans le monde, parce qu'on va continuer à indexer un prix du blé sur le prix du pétrole. Ça, c'est un vrai crime contre l'humanité, ça, bien entendu. On ne peut pas continuer comme ça, bien sûr. Et ça, tout ça dans un changement global intéressant. Je vous ai mis ici une des terreurs actuelles. Hein. Il s'appelle Aedes albopictus. C'est le tiger mosquito, hein, le moustique tigre. Il transmet 22 maladies virales à l'humain, ce truc. Il vivait apparemment uniquement en Asie. Et puis, ben, il fait le tour du monde, dans des vieux pneus, par exemple. Hein. Il y a un bateau américain qui amène l'Aedes albopictus du Japon aux États-Unis. Et puis, parce que, en fait, dans un vieux pneu, quand il pleut dehors, dans une décharge de pneus, ben, il y a de l'eau qui reste. Et la femelle de moustique adore, pour aller mettre ses œufs, la granulation, en fait, des pneus, quels qu'ils soient. Et ils font le tour du monde comme ça. Je ne sais pas pourquoi les humains transportent des pneus du Japon aux États-Unis. Expliquez-moi. Hein. Il y a sûrement une raison quelconque, mais j'attends qu'on m'explique à quoi ça peut servir quelque chose de comme ça. Alors ça paraît totalement stupide, mais les conséquences sont désastreuses, bien entendu. Hein. Et là, c'est la carte qu'on a établie en Europe récemment. C'est encore dans Nature, ça. Il montre que ben, ce moustique, qui n'était pas du tout en Europe, hein, est en train d'envahir l'Europe du Sud. Il est en Espagne, il est sur la mer Noire, il est en Turquie, il est en Grèce. Beaucoup sur les pays des Balkans, il est beaucoup en Italie, il est en Camargue, et puis il arrive, il est en pays catalan, il va arriver à Banyuls la semaine prochaine. Donc c'est vrai que eh ben, tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Donc comment est-ce qu'on modifie nos comportements? Dans un changement qui est parti, on ne va pas l'interdire. Comment est-ce qu'on va faire, effectivement? Il transmet en particulier une encéphalite terrible, hein, qui est mortelle chez l'humain, l'albopictus. Vous vous rappelez l'épidémie de chikungunya à l'île de la Réunion, parce qu'on avait affaibli la diversité locale qui a été amenée. Et aujourd'hui, bon, ils sont en Camargue. Le chikungunya, on va l'avoir en sud de la France. Peut-être un jour à Paris aussi, hein, vu la température qui augmente. Pas de palu, mais le chikungunya, oui. Et croyez-moi, ça rend super malade. Hein. Alors ça, je fais référence au cours de mon ami Jean-François Toussaint, il y a quelque temps. Dans le contexte global de progrès, c'est quoi le progrès? Ça, c'est la vraie question, ça me préoccupe tous les jours. Ça m'obsède, c'est quoi le progrès? À tous les 10 minutes, c'est quoi ce progrès? Comment on le mesure? Comment on le quantifie? Comment on le qualifie? Bah, regardez ici, ça c'est le progrès, tout confondu, bah, la taille des humains, les femmes en particulier ont beaucoup grandi en France en un siècle. Hein. On a pris 15 cm en un siècle, hein, en moyenne, c'est considérable en moyenne. On a pris 30 kilos en masse, hein, ils étaient maigrichons hein, début 20e, hein, maintenant, hein, y compris l'obésité qui va avec, bien sûr, hein, qui n'est pas trop forte encore en France, mais qui vient. Hein. Allez au Canada, aux États-Unis, vous verrez les résultats de l'obésité. C'est catastrophique. Hein. Mais je vois sur la plage, chez moi, maintenant, des gamins à 7-8 ans, les cuisses se touchent. Hein, c'est pas normal du tout. Alors, je regarde des parents, ils sont pareils. Donc, il faut vraiment, effectivement, se poser des questions. Ce n'est pas par hasard, hein, si on arrive à des systèmes comme ça. Ce n'est pas de la génétique. Ensuite, on voit l'espérance de vie. Alors, bien sûr, ça, c'est fabuleux. C'est un merveilleux instrument de calcul du progrès. On a pris 35 ans d'espérance de vie en mieux sur un siècle. La démographie, on a multiplié par 7 les Français. Mais ça arrête. Ça coûte très cher en énergie, on l'avait dit aussi. Et alors, on s'amuse à des tas de trucs absolument fantastiques. On clone des types à 2,42 m, évidemment, ça c'est en Chine. Là, ces types-là, on vous dit, ben voilà, écoutez, ils courent le 100 mètres en 10,5. Et puis, ben écoutez, s'ils font 150 kg, ils font 2,20 m. Pour l'arrêter, il faut se bourrer d'hormones stéroïdes anabolisantes, donc se shooter, se doper. Sinon, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Moi, je veux bien, on peut s'amuser à ça, effectivement. Donc, on va tricher pour arriver à un système qui je ne veux pas de dessin, vous comprenez que ça n'a pas de sens. C'est absolument pas soutenable. En Chine, en ce moment, ils sont en train de regarder. On connaît 17 gènes qui favorisent l'effort sportif de très haut niveau, qu'on soit tennisman, cycliste ou footballeur, c'est pareil. Et maintenant, on crible les bébés à la naissance pour les accoupler à 15 ans et puis faire les futurs champions des Jeux Olympiques. On peut s'amuser à tout, bien sûr. Hein. À quel coût? Alors après, abordons les questions éthiques là-dessus, hein, qui sont intéressantes à prendre. Aurons-nous le temps d'un développement sur le très long terme? Alors, ça a été très, très vite pendant un siècle, là. Et là, aujourd'hui, tout est à l'asymptote, hein. Et c'est là qu'il faut qu'on s'interroge aujourd'hui. Alors, c'est un travail qu'on a publié récemment, où ici, on a modélisé la démographie des humains aujourd'hui, la consommation énergétique. On a calculé le coût énergétique de chaque Français, hein, de chaque population de chaque pays du monde, ramené à la consommation énergétique globale, ramené à l'âge. Et ici, on a mis l'espérance de vie. Eh bien, ça a été fantastique, hein, depuis l'an 1500. Donc, on a vraiment augmenté 1900. Le modèle nous dit qu'on va plutôt diminuer en espérance de vie que continuer à augmenter indéfiniment l'espérance de vie. Pour des raisons énergétiques. Hein, on n'a pas l'énergie pour que tous, demain, on arrive à vivre 120 ans. C'est pour des raisons comme ça, en fait. Pour terminer, questions qui sont incontournables. Alors, ces questions avaient été débattues ici, dans cette même enceinte. J'étais venu présenter une conférence sur la biodiversité pour un colloque de l'ANR. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui avait fait un colloque sur 8 ans de financement en France sur l'environnement. Et moi, j'avais la partie biodiversité, donc on m'avait parlé de ça. Comprendre les crises du passé pour mieux gérer l'actuel. Ça, c'est une vraie question fondamentale. Quelqu'un me disait récemment, je ne vous dirai pas qui, mais il me disait, mais qu'est-ce qu'on a à faire de la façon dont sont morts les hommes préhistoriques, de chaud ou de froid? Je veux bien, n'empêche qu'on aura intérêt à savoir s'ils sont morts de chaud ou de froid, effectivement. Hein. Ce n'est pas aussi anodin que ça. Comment tourneront les écosystèmes avec beaucoup moins d'espèces, hein? On est en train d'appauvrir les écosystèmes. Comment ils vont fonctionner? Donc, on revient à une question non pas de nombre d'espèces, mais de fonctionnalité. Et vous avez dit, un catalogue d'espèces, c'est largement insuffisant pour préciser ce qu'est la biodiversité. Quelles sont les valeurs des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes? Ce qu'on appelle les clés de voûte, en anglais keystone species. C'est très joli, c'est un travail qui montrait en fait que vous avez des espèces dans un écosystème qui va entièrement l'organiser. Il y avait un très bel exemple sur une étoile de mer aux États-Unis. L'étoile de mer en question, le type avait travaillé 50 ans sur son estran, il avait 300 mètres d'estran, il venait tous les jours, pendant 50 ans, voir ses bestioles du bout d'estran à Cape Cod, dans l'Est américain, il comptait ses espèces, il les regardait. Il s'est mis un jour à enlever tous les individus de la même espèce. Jusqu'au jour où il a trouvé une étoile de mer, quand il les avait toutes enlevées, tout l'écosystème, en quelques moins de 3 mois, basculait, alors qu'il y avait 350 espèces au départ, vers que des moules, ou que des balanes. Les balanes, c'est les petits crustacés qui vous font mal aux pieds quand vous marchez sur les rochers. Là. Donc elle était organisatrice de l'écosystème. Donc cela était vital. On pouvait enlever la 323e espèce du petit cirripède, peut-être, mais en tout cas pas celle-là. Elle avait organisé le système. Et les écologues sont très loin de les connaître. Il faut qu'on travaille de mieux en mieux pour les connaître. Le castor est un très bel aussi organisateur d'écosystème aussi. Donc celle-là, bien sûr, a beaucoup plus de valeur fonctionnelle que ne peuvent en avoir d'autres. Comment estimer la biodiversité? Question de la fonctionnalité, ça c'est absolument fondamental. Comment peut-on compenser? Question qu'on nous pose tous les jours. Quelle méthodologie d'approche? Peut-on restaurer les écosystèmes? Faire de l'ingénierie écologique? Quid d'une équivalence écologique? Comment optimise-t-on? Et c'est là effectivement qu'on travaille tous collectivement. Et là le muséum est un puissant outil aussi, bien sûr, d'apport de réponses avec des collègues d'autres laboratoires comme le CEF à Montpellier, par exemple, ou l'ISEM, hein, où là effectivement on essaie de modéliser des systèmes naturels et aussi d'avoir ce qu'on appelle, nous, des systèmes de mésocosme, où on va avoir, en enceinte contrôlée, des systèmes où on fait varier la température, la lumière, le pH de l'eau de mer, la salinité de l'eau, la température, tout ce que vous voulez, ou mettre des polluants aussi, sur des petits animaux, des lézards, sur des papillons, sur des vers de terre, sur des limaces. Et on va regarder comment les systèmes évoluent, comment on disperse dans le milieu. C'est très intéressant, très intéressant. On fait de l'expérimentation, et après on travaille sur les systèmes naturels, bien sûr. Et pour ça, il faut des moyens pour travailler là-dessus, bien entendu. Alors, quels sont les moyens de développement dans le futur pour aller mieux? Alors, pour moi, un des grands aspects, ce sont les sciences participatives. Là aussi, le muséum a été pionnier, avec un qui s'appelle Viginature, où vous voyez que on les appelle sciences participatives, citoyennes, collaboratives. De quoi parle-t-on? C'est vous. Et moi, hein, un chercheur qui va aller chercher des collaboratifs, ou un collaboratif qui vient un jour voir un chercheur en disant « voilà, j'ai besoin de vous pour faire ça ». Et on le fait ensemble, collectivement. On travaille beaucoup aussi sur des questions, en dehors des aspects du climat, sur la disparition d'espèces, sur les présences d'espèces, sur les abondances. On voit arriver les envahisseurs, c'est-à-dire qu'ils se développent localement. Hein, ils étaient déjà là, mais ils prolifèrent. Ou arriver les exotiques, hein, qui sont les invasifs, ceux-là, bien sûr. Hein, c'est très, très spectaculaire. Et collectivement, on exploite les résultats. La clé du fonctionnement de ceci, c'est le respect mutuel et c'est la restitution. Parce que je disais souvent, séduire des gens, c'est pas trop compliqué. Il faut les fidéliser. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et là, vous avez un vrai débat. Vous les fidélisez en leur restituant valablement ce qu'ils ont contribué à construire. Et dès le moment où ils sont persuadés, effectivement, qu'on n'est pas en train de les instrumenter, c'est pas de leur piquer leur manip, leur résultat. C'est pas ça. Le but, c'est pas ça du tout. C'est collectivement de fournir de la donnée qui après va servir au système étatique à mieux promulguer des lois de protection et de défense de l'environnement. De la science aux citoyens, du citoyen à la science. Et ceci a même produit de grands papiers scientifiques, puisqu'on est dans la nature. Hein. Janvier 2012, il sort un papier où on montre, ça c'est le travail de 10 000 personnes, 10 000 passionnés d'oiseaux et de papillons, qui nous ont aidés en toute l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est 1,5 million d'heures d'observation. Qu'aucun labo de recherche peut financer, c'est impossible. Hein. Alors voilà un coût intéressant. Où est-ce que c'est capitalisé ça? Où est le coût de cela? Dans quoi je le mets? C'est pas normal. Vous avez passé 1,5 million d'heures à faire ça. Vous avez pris votre voiture pour écouter vos chauves-souris, aller voir vos papillons. Ça, il faut le prendre dans le système économique global aussi. Et c'est tout ça qui nous permettra enfin d'équilibrer et de persuader des investisseurs que notre système ici, du vivre mieux, c'est le seul compatible avec un futur qui soit viable. Et là, ils ont montré que les papillons avaient fait 114 km vers le nord, les oiseaux 33 km sur 18 ans. Et on a montré que pour un degré de plus, ils auront 250 km à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette climatique, hein, que la nature va bien sûr devoir payer. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec François Bourguignon, titulaire au Collège de France de la chaire Savoir contre pauvreté. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous!